Alors, vous connaissez tous, bien sûr, la question qui est posée par les Français à Rika, qui lui demande comment peut-on être persan. Et moi, la question que je vais poser ce matin, c'est plutôt pourquoi vouloir être persan, hein, puisque cette lettre 30, elle met en question tout ce qui relève des préjugés fondés sur les apparences. Et je voudrais en fait retourner cette question à Montesquieu et aux lettres persanes. Et il est sûr que ces lettres persanes jouent certainement d'un effet d'annonce, hein, fourni par le titre. Alors, je ne vais pas du tout prétendre dresser un inventaire exhaustif des sources dans lesquelles Montesquieu a puisé, ni surtout étudier dans le détail l'utilisation qu'il a pu en faire, mais je voudrais vous proposer ici quelques éclairages en fait, qui vont rendre compte de l'intérêt potentiel pour Montesquieu de ce choix des persans. L'Orient, et ça a été rappelé tout à l'heure, et surtout l'Orient musulman, est en vogue depuis un certain temps, et bien sûr Montesquieu joue de l'effet de curiosité hein, que cet Orient suscite en Occident pour attirer le chaland. Quand on lit les premières lettres, en particulier du recueil, on s'aperçoit bien sûr que Montesquieu cultive à plaisir la thématique sensuelle, qu'il joue des clichés qui sont attachés au harem, et que Montesquieu, d'ailleurs, est peu soucieux du respect de la véracité hein, de ce monde qu'il va décrire, puisque, vous le savez, ce monde du harem est rebaptisé tout de suite sérail, hein, alors que ça correspond à quelque chose de légèrement différent. Alors, il me semble que la remarque que je formule ici, hein, et le reproche que je formule à Montesquieu, est anecdotique, bien évidemment. Néanmoins, ça me semble symbolique quand même des grandes lignes du traitement que Montesquieu va réserver à l'Orient. Et il me semble que ce traitement que Montesquieu réserve à l'Orient est en fait représentatif de la considération dans laquelle on tient l'Orient à l'époque de la Régence. Hein. Pour résumer les grandes orientations que je vais développer, cet Orient est une source de curiosité légère et plaisante, mais cet Orient est aussi un autre méconnu, et dont l'étude a toujours été instrumentalisée à des fins polémiques, quelle que soit leur portée et leur visée. Et dans ce temps de transition politique qu'est la Régence, il me semble que l'Orient, l'image de l'Orient est elle-même entre deux pages de son histoire. Je vais vous montrer que cette représentation de l'Orient, elle est d'abord héritière de représentations passées, proches ou lointaines, et qu'elle trouve en même temps, ça sera l'apport de cette année 1721, il y a une autre publication que Catherine n'a pas mentionnée, elle m'en a réservé la primauté, une traduction française d'un ouvrage d'un humaniste hollandais qui va renouveler quelque peu l'image de cet Orient, mais ce renouvellement se fait dans les marges. Et il me semble qu'en fait, il faudra du temps avant que ne s'impose une autre image de l'Orient, mais que dans ces années 1710-1720 dont je vais vous parler, eh bien, on reste sur des représentations héritées du passé et que les lumières ne sont certainement pas encore là. Alors on le sait, depuis longtemps, l'Orient est présent en France et il constitue depuis le XVIe siècle un terrain d'études privilégié, tant pour des raisons commerciales que pour des raisons religieuses. Je rappellerai, vous le savez, que le Collège de France, institué par François Ier, comporte rapidement, outre les chaires originelles de grec et d'hébreu, une chaire d'arabe. L'imaginaire oriental trouve ses sources privilégiées dans les récits de voyage, hein, ça a été rappelé et je vais en reparler, récits de voyage qui fleurissent tout particulièrement au XVIIe siècle, et cet imaginaire oriental irrigue très rapidement une grande partie de la littérature française. Je vous rappelle Molière et son grand Mamamouchi dans Le bourgeois gentilhomme, le cadre oriental de certaines tragédies de Racine, hein, comme Bajazet, et puis les contes qui vont rapidement entremêler à la fois la tradition occidentale des contes de fées au génie sorti des lampes à huile. Alors cet exotisme hein, de la présence orientale, que je choisis de restreindre à l'espace musulman, cet exotisme a dû, comme pour beaucoup de leurs contemporains, susciter la curiosité de Saint-Simon et de Montesquieu, ainsi qu'en attestent les catalogues de leurs bibliothèques respectives, sur lesquels je vais un peu m'appuyer, comme a commencé à le faire Philippe Ourcade tout à l'heure. Alors, sans surprise, dans ces bibliothèques, on trouve quelques-uns des best-sellers du temps. Bien évidemment, ces catalogues ne sauraient représenter tout ce que Montesquieu et Saint-Simon ont pu consulter. Hein, et si certains grands ouvrages y figurent, comme attendu, d'autres grands ouvrages n'y figurent pas, mais il est certain qu'ils en avaient connaissance. Alors, cette réalité orientale, donc, elle est d'abord connue par les récits de voyage qui se multiplient dans la deuxième moitié du règne de Louis XIV. Et le temps de la Régence va en fait hériter d'une connaissance dont l'essentiel date déjà d'une dizaine, voire d'une vingtaine, voire d'une trentaine d'années. Mais il me semble que ces questions de date importent en réalité très peu. D'abord parce que les récits de voyage présentent des descriptions des pays traversés qui tendent souvent, et en particulier l'ouvrage de Chardin, par le plan thématique qui est en partie adopté, à présenter les éléments de manière quasi intemporelle. Et puis d'autre part, parce que la réalité orientale est perçue comme une réalité qui serait comme hors du temps, en particulier au niveau des sciences et des arts. Et il y a une opposition très nette qui est faite entre le monde occidental qui, depuis le Moyen-Âge, avance, et cet Orient qui est resté figé dans une splendeur passée. Alors, quels sont donc les best-sellers que j'évoquais ? D'abord, eh bien, le récit du marchand et aventurier Jean-Baptiste Tavernier, qui a été mentionné. Ces 6 voyages en Turquie, en Perse et aux Indes, qui ont été initialement publiés en 1676. Saint-Simon les possède, il a véritablement, vraisemblablement hérité de l'édition originale, et Montesquieu en possède une réédition augmentée qui date de 1713. Sans surprise aussi, Saint-Simon possède 2 exemplaires de la Relation d'un voyage du Levant, qui est due au savant et botaniste Joseph Piton de Tournefort, et qui paraît en 1717, et c'est la publication la plus tardive de récits de voyage sur la période. Et Montesquieu dispose également d'une édition. Surtout, comme ça a été rappelé, tous les deux possèdent les voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient, dont l'importance a été capitale pour la culture française du XVIIIe siècle. Donc Montesquieu et Saint-Simon possèdent à la fois des éditions originales et surtout la réédition de 1711, réédition qui présente en fait une version nettement augmentée, produite 25 ans plus tard, chez Jean-Louis Delorme. Et si Saint-Simon possède 2 exemplaires dans 2 formats différents, il me semble que ça atteste la fortune de l'ouvrage pour le siècle. Alors les lettres persanes doivent énormément à cette somme, je ne vais pas le détailler. Le récit de Chardin sera une source capitale pour la connaissance de la Perse, et comme ça a été rappelé aussi, Voltaire y puisera beaucoup, il y puisera l'essentiel de son information historique sur la Perse. Et il me semble qu'au-delà de l'aspect pittoresque que Montesquieu va bien sûr exploiter dans les lettres persanes, qu'on pense aux boîtes dans lesquelles on met les persanes pour les soustraire au regard des hommes qui se renversent, etc., Montesquieu va aussi beaucoup utiliser Chardin pour y puiser les caractéristiques du régime despotique, aussi bien dans l'esprit des lois que dès les lettres persanes. Et ce qui est frappant, c'est que Voltaire s'appuiera exactement sur le même récit de voyage pour contester Montesquieu dans la présentation du régime despotique qu'il fait. Donc, interprétation contradictoire, qui citera parfois les mêmes passages que de Chardin, et qui citera aussi d'autres passages de Chardin, tant la richesse de l'ouvrage de Chardin permet en fait des lectures quelque peu variées du phénomène persan. Alors l'ouvrage, pour terminer ce panorama, propose aussi de nombreuses illustrations qui connaissent un succès certain, et sont publiés aussi des volumes de planches, en fait, d'illustrations, qui sont parfois issues de ces récits de voyage. Et ainsi, Montesquieu possède, par exemple, Les beautés de la Perse, qui date de 1673, d'André Dollier des Landes, qui, en fait, a accompagné Tavernier et Thévenot, et qui propose aussi une description du pays. Alors, à la liste de ces sommes de connaissances que constituent les récits de voyage, qui valent certainement moins comme récits que comme manuels pratiques, en fait, il faut ajouter aussi des ouvrages de caractère historique qui vont analyser davantage l'histoire politique des États orientaux, leur constitution et surtout leurs principes de fonctionnement. Ainsi, par exemple, l'histoire de l'État présent de l'Empire ottoman, contenant les maximes politiques des Turcs, les principaux points de la religion mahométane de Paul Ricoh, de l'anglais Paul Ricoh, publié en 1668, traduit en français dès 1670, qui connaît de multiples rééditions, constitue un classique. Alors, il est absent de la bibliothèque de Montesquieu, mais l'étude précise des lettres persanes permet sans aucun doute de montrer que Montesquieu connaissait bien sûr l'ouvrage. Surtout, cet ouvrage propose des éclairages sur la religion musulmane et qui constitue un sujet d'intérêt à la fois majeur et méconnu sur lequel je reviendrai. Dans ce panorama des sources sérieuses, il faut bien sûr adjoindre la bibliothèque orientale de l'orientaliste Barthélemy Herbelot de Moulainville, qui est professeur au Collège Royal, c'est-à-dire au Collège de France, et qui constitue là aussi une source d'information privilégiée pour le XVIIIe siècle, puisque ce dictionnaire compile grosso modo l'ensemble des connaissances qui ont été acquises sur l'Orient depuis environ un siècle. Alors cet ouvrage, qui est paru en 1697, est paru après la mort de son auteur, et il a été publié grâce au concours de l'une des grandes figures des études orientales en France, Antoine Galland, qui est lui aussi professeur au Collège Royal à partir de 1709, et que le public a connu avant même la publication des Contes des Mille et Une Nuits, sur lesquels je vais revenir bien sûr. Il est connu pour avoir donné une traduction d'un ouvrage historique. Alors cet ouvrage historique s'intitule « La mort du sultan Osman » ou « Le rétablissement de Mustapha sur le trône ». Cette traduction est parue en 1678 et Galland a traduit un manuscrit turc qu'il a ramené de ses voyages. Et cet ouvrage figure dans la bibliothèque de Montesquieu. Alors, je ne sais pas si Montesquieu s'est beaucoup appuyé sur le texte, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, cet ouvrage est original dans les études orientales parce que Galland propose non pas une histoire faite par un occidental sur l'Orient, mais il traduit des textes historiques orientaux. Hein. Et ça, c'est nouveau. Le fait qu'on s'intéresse à la production orientale pour la donner à lire en Occident, au lieu de reconstruire une histoire à partir de sources plus ou moins fiables, d'autant plus que Galland assortissait sa traduction, et ça sera un phénomène constant des publications de l'époque, de notes explicatives, en fait. Mais alors, bien évidemment, ce qui popularise plus que tout l'Orient au début du siècle, c'est la publication par Antoine Galland des contes des Mille et Une Nuits. Alors cette publication de ces contes, elle s'est faite chez un imprimeur particulier, chez la veuve de Claude Barbin, un libraire parisien qui s'est spécialisé avant la fin du siècle dans les publications à la mode. Alors publications à la mode, à la fois des nouvelles historiques et galantes, il publie notamment les nouvelles de Madame de Lafayette, il publie aussi les contes qui sont très en vogue, notamment ceux de Perrault, il publie également des romans par lettres, les lettres portugaises, et puis surtout, un autre ouvrage que Montesquieu va beaucoup utiliser, c'est « L'espion du grand seigneur hein, » de Marana, sur lequel je reviendrai. Barbin a aussi imprimé beaucoup de récits de voyage, le récit de voyage de Thévenot, que j'ai mentionné tout à l'heure, les récits de voyage de Tavernier, et il fait partie de l'association de libraires, hein, de la compagnie des libraires, qui vont distribuer la bibliothèque orientale de Derbelot. Donc tout cet intérêt, en fait, converge, puisqu'il va publier en fait, un certain nombre d'ouvrages qui vont être au croisement de ces différents intérêts. Après avoir publié, par exemple, les recueils de fables de La Fontaine, il va donner la traduction des fables de Pilpé, hein, philosophe indien, traduite aussi par Antoine Galland. Et donc la publication des contes arabes que sont les Mille et Une Nuits, publication qui aura lieu entre 1704 et 1717, constitue une forme d'aboutissement à la croisée à la fois des genres du conte et de la fable d'une part, et d'autre part des ouvrages relatifs à l'Orient au sens large, dont Barbin s'est fait une spécialité depuis au moins une vingtaine d'années, ouvrages qui sont par ailleurs un succès commercial. Donc Barbin fait aussi un coup commercial avec la publication de ses contes des Mille et Une Nuits. Alors la bibliothèque de Saint-Simon comporte 10 des 12 volumes que compte l'édition, et l'inventaire après décès de la bibliothèque de Montesquieu à son domicile parisien, en mars 1955, les mentionne aussi. Alors, quelques mots sur cet ouvrage. Il n'est pas uniquement fondé sur la traduction de manuscrits arabes ramenés par Galland durant ses voyages, voyages hein, qui ont été effectués entre les années 1670 et 1688. Galland met aussi par écrit des récits qu'il a simplement entendus, voire invente certains contes. Donc on a en fait affaire à un recueil composite à partir de matériaux venus de sources diverses. Et je rappellerai juste que les contes les plus célèbres pour nous, les voyages de Simbad de Marin, Aladdin et puis Ali Baba, en fait ne font pas partie du recueil du manuscrit original hein, des contes arabes et que ce sont des ajouts externes en quelque sorte. Alors cette traduction qu'il propose, traduction avec, je mets des guillemets bien évidemment, hein, j'emploie ce terme pour désigner cet ensemble composite, cette traduction est avant tout une adaptation qui se conforme notamment eh bien, aux bienséances et au goût du public mondain auquel il s'adresse. Hein, adaptation qui va unifier des matériaux très divers. Alors la fortune de ce recueil sera telle que, bien évidemment, elle va faire l'objet de nombreuses imitations durant les années suivantes. Ces imitations sont faites soit par des orientalistes patentés, comme Pétis de la Croix, par exemple, qui publie Les Mille et Un Jours. Alors, ces imitations sont des créations. Hein. Et puis, il y a aussi d'autres auteurs n'ayant jamais quitté la France et qui ne connaissent rien à l'Orient dont ils parlent, hein, et qui, déploient simplement un imaginaire. Alors, la bibliothèque de la duchesse de Berry, dont la duchesse de Saint-Simon était dame d'honneur, comporte ainsi les Mille et Un Jours de Pétis de la Croix, hein, dont l'authenticité est sujette à caution. Alors, les lettres persanes composées par Montesquieu n'ont rien à voir avec les Mille et Une Nuits, presque, si ce n'est à l'occasion, par exemple, de la lettre 141, la reprise d'une structure enchâssée qui a fait aussi la fortune de ces contes. puisque dans la lettre 141, Rica raconte à une dame de la cour de France un conte persan, et dans ce conte, le personnage principal, Zulema, raconte elle-même une histoire qu'elle a puisée dans un conte arabe. Bon, Montesquieu s'arrête là, il n'y a pas de génie, pas d'aventure sur les mers, et surtout, je rappellerai que l'intrigue orientale, hein, l'intrigue romanesque, est surtout développée dans l'édition posthume de 1758, davantage qu'elle n'était présente dans l'édition de 1721. Mais il est sûr que Montesquieu, en fait, profite à plein de cette vogue orientale, qui voit non seulement se multiplier les récits à la suite de ceux des Mille et Une Nuits, mais qui tire aussi une partie de son attrait des mystères mêmes que le monde oriental recèle pour l'Occident. Puisque ce monde du sérail en particulier, qui est constamment décrit en quelque sorte dans les récits de voyage, n'est en fait jamais réellement approché par les voyageurs, et il constitue depuis très longtemps un objet de fascination sur lequel Montesquieu, bien évidemment, va jouer. Hein. Je rappelle que le harem, hein, le lieu spécifiquement réservé aux femmes, était en fait uniquement accessible aux eunuques, et en particulier aux eunuques noirs, dont la castration était totale, à la différence des eunuques blancs, dont la castration était uniquement partielle. C'est évidemment une des raisons pour lesquelles les premières lettres du recueil cultivent les lettres adressées par les femmes d'Usbek à leur époux, hein, puisque ces lettres vont dévoiler les jeux intimes auxquels le maître du sérail se livre dans le secret de son palais, et place ainsi le lecteur dans la position de voyeur qui est en principe interdite à tout autre qu'à Usbek, et surtout à tout occidental ayant souhaité s'informer de cette réalité orientale. Je rappelle par exemple la lettre 3 adressée par Zaki à son époux, où elle lui remémore et remet ainsi sous les yeux de celui-ci en même temps que sous ceux du lecteur le jour où il a décidé la fameuse querelle entre ces femmes par un concours de beauté au cours duquel il fallut paraître à sa vue dans la simplicité de la nature et où la gagnante eût souhaité que ses rivales eussent eu le courage de rester témoins de toutes les marques d'amour qu'elle reçut alors. Alors ce souhait est bien évidemment presque rendu effectif a posteriori grâce à l'écriture de la lettre, et cette lettre vient ainsi combler les blancs que contenaient en fait les récits de voyage et réparer aussi dans une certaine mesure le polissage relatif aux mœurs qu'Antoine Galland avait imposé au texte original par la bienséance. Donc les lettres persanes vont plus loin bien évidemment que Galland, et Montesquieu aura de nombreux émules, je pense simplement à Crébillon et à son Sopha qui paraîtra dans les années 1730. On n'aurait pas fait le tour de ces influences orientales si on évoquait enfin, pour le dispositif narratif et critique qu'il fournit, le recueil des lettres de Marana, hein, que j'évoquais tout à l'heure, qui est paru en 1684 chez Barbin. Donc le titre de Marana, c'est « L'espion du grand seigneur et ses relations secrètes envoyées au divan de Constantinople », etc. Titre qui est couramment abrégé, comme en atteste l'entrée du catalogue de Montesquieu, en « L'espion turc ». Alors ce roman par lettres, qui relève de la chronique fictive sous laquelle apparaissaient de nombreux journaux de l'époque, fournit à Montesquieu l'exemple d'un regard distancié introduit dans la société française, dont Montesquieu accentuera les effets de décalage. Alors, pourtant, sous cet aspect, en fait, Montesquieu oublie complètement la réalité orientale, puisque Montesquieu, grâce à ce regard, traitera bien des sujets qui relèvent en fait, d'une tradition française, qui emprunte autant à des topiques traités par Marana qu'à des réflexions morales satiriques sur le monde et ses travers, qu'on retrouverait aussi chez La Bruyère. Donc rien d'oriental, en fait, dans tout ceci, si ce n'est le point d'origine fictif du discours qui est tenu, mais qui est, en fait, surtout le fait de l'observateur purement occidental, qui est Montesquieu. Alors l'apport critique que l'Orient fournit à Montesquieu, ou plutôt que Montesquieu est capable de tirer de l'Orient, réside ailleurs. Il réside certainement, et je ne le développerai pas, dans la confrontation des rapports entre hommes et femmes, qui prévalent respectivement en Orient et en Occident, et dont Montesquieu va étendre la portée au fonctionnement social et politique dans son ensemble, puisque le monde du sérail symbolise métaphoriquement, bien évidemment, le gouvernement despotique. Et on sait aussi que la satire de la religion musulmane permet sans ambiguïté de mettre en question les religions dans leur ensemble, et en particulier les pratiques chrétiennes. Alors si l'on a beaucoup insisté sur l'apport critique, hein, et sur l'effort critique que met en place Montesquieu, je voudrais montrer que les lettres persanes constituent davantage un temps dernier, en fait, quant à l'image de la religion musulmane qu'elles véhiculent, et avant que ne s'ouvre une nouvelle ère dans la volonté de connaissance de l'islam en France et plus largement en Europe. Vous le savez, le musulman est la figuration de l'autre absolu, hein, même s'il est de mieux en mieux connu à mesure que se développent donc les études orientales, comme je l'ai rappelé, à partir du XVIe siècle. Pour autant, bien des préjugés, bien des légendes demeurent autour de la religion de Mahomet, dont la connaissance ne va véritablement progresser qu'au cours du XVIIIe siècle. Et à l'heure où Montesquieu compose ses lettres persanes, l'information dont il peut disposer est tout à la fois parcellaire et partiale, et il me semble que Montesquieu n'a pas particulièrement cherché à faire preuve d'objectivité, lui non plus, sur le sujet, comme cela lui sera reproché dès le XVIIIe siècle, d'ailleurs. Donc je vous annonce d'emblée d'où, à partir de quand se produira le renouvellement. Ce renouvellement se fait en particulier avec la traduction du Coran que va donner l'anglais George Sale en 1734. Traduction du Coran donc en anglais, qui est assortie d'un discours préliminaire qui éclaire sous un nouveau jour la figure de Mahomet. Et ces années 30 voient aussi la parution d'un écrit du comte de Boulainvilliers, écrit vraisemblablement rédigé à partir de 1720, qui a peut-être circulé en manuscrit, mais qui est publié en 1730 à Amsterdam, hein, une vie de Mahomet, qui présente Mahomet sous un jour très favorable, ce qui est complètement nouveau. Alors, en attendant, dans les années 1710 et 1720, Montesquieu est forcé d'utiliser des traductions anciennes du Coran, et les paratextes souvent très nombreux qui les accompagnent, ainsi que les vies de Mahomet, qui sont nombreuses et qui sont extrêmement défavorables au personnage, hein, qui est vu comme un imposteur. En particulier, par exemple, la vie de Mahomet procurée par Humphrey Prideaux en 1699. Alors Montesquieu possède plusieurs traductions du Coran. Il en possède une traduction italienne, l'Alcorano di Macometto, publiée à Venise en 1547, traduction publiée par Andrea Arrivabene. Et cette traduction en langue vernaculaire, en italien, s'appuie non sur des originaux arabes, mais en fait sur une traduction latine du Coran et sur la traduction des textes complémentaires qui l'accompagnaient, qui avait été publiée 4 ans auparavant, en 1543, par l'humaniste zurichois Bibliander. Alors, la publication de la Bible de Bibliander en latin est la première publication d'un texte qui jusque-là a circulé de façon manuscrite et qui est en fait la première traduction du Coran réalisée en Occident, qui date du XIIe siècle, qui a été faite, entre autres, par l'anglais Robert de Ketton et d'autres savants, sous l'impulsion de l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, et dont, bien évidemment, le but était de réfuter la doctrine de Mahomet. Alors, cette traduction avait circulé jusqu'au XVIe siècle de façon manuscrite, elle est imprimée, et elle va être à l'origine, en fait, d'une succession de traductions en Occident. Et donc, en s'appuyant sur ce texte-là, Montesquieu bénéficie d'une connaissance qui a donc, en fait, 400 ans d'âge. Alors, peut-être plus qu'à cette traduction italienne d'Arrivabene, dont je pense que Montesquieu a hérité, en fait, des fonds familiaux, il est vraisemblable qu'il s'est d'abord reporté, en première intention, en tout cas, à la première traduction française du Coran, qui a été donnée par André Durier en 1647, l'Alcoran de Mahomet, translaté d'arabe en français, qui fournissait par ailleurs, relative avancée, une traduction du Coran davantage dépouillée des commentaires partiaux dont le Coran était accompagné dans les éditions dérivées de Keaton, même si, contexte de publication oblige, Durier ne peut pas faire l'économie de textes préfaciels qui condamnent, bien évidemment, fermement l'islam. Alors, ces textes préfaciels ne font néanmoins pas illusion auprès des autorités, puisqu'en fait, l'ouvrage sera officiellement interdit, ça n'en empêchera bien évidemment pas la diffusion. Mais voilà, la traduction de Durier constitue une relative avancée, même si elle demeure limitée. Alors, je me pencherai sur deux lettres en particulier, des lettres persanes, les lettres 18 et 39, qui moquent les interdits présents dans la religion musulmane, et notamment la notion d'impureté. Et elle moque aussi les légendes qui sont associées à la naissance de Mahomet. Et apparemment, en fait, ces deux lettres dérivent de deux textes complémentaires que Montesquieu trouve dans la traduction du Coran de Bibliander et reprise dans l'édition italienne d'Arrivabene. Alors, c'est les deux lettres de Montesquieu, je n'en relis pas d'extrait, elles présentent des explications d'apparence bouffonne, où par exemple le caractère impur du cochon est expliqué par sa naissance des excréments d'un éléphant. Et on pourrait penser que, en raison du caractère burlesque des textes, on pourrait penser que Montesquieu invente. Il n'en est rien, donc en fait, il s'appuie sur ces textes qui entourent le Coran qu'il trouve dans ses traductions. Et on pourrait se tromper sur la finalité de ces textes. Est-ce que ce sont des faux forgés par les Occidentaux ? Non, ce sont bien la traduction de textes arabes qui circulaient, dont l'intention était certainement, qui ne figurait pas dans la tradition musulmane, mais qui était destinée à convertir en particulier en Extrême-Orient. Mais Montesquieu réalise des raccourcis qui renforcent le caractère bouffon de ses textes, mais il ne les forge pas. Et bien évidemment, le propos de Montesquieu a une portée générale. Son but n'est pas de s'en prendre en tant que tel à l'islam de manière polémique, mais il me semble qu'en choisissant de puiser dans ces textes-là, et non pas dans d'autres, il ne choisit pas la connaissance la plus récente sur l'islam, et il contribue lui aussi à discréditer, malgré tout, celui-ci. Puisque, notamment, il présente ces textes comme faisant partie de la tradition musulmane, alors que ce ne sont que des textes périphériques. De la même manière, par exemple, toutes les lettres qui parlent de la description du paradis et qui renversent de manière plaisante, du point de vue féminin, la promesse faite aux musulmans de vivre dans des jardins de délices peuplés de femmes, toutes ces lettres font mine de prendre au pied de la lettre ces descriptions que l'on trouve dans les textes, bien évidemment, coraniques, descriptions qui fournissaient des points d'entrée d'attaque contre la religion musulmane, et il les prend au pied de la lettre sans considérer leur portée symbolique. À nouveau, c'est une façon pour Montesquieu, peut-être malgré lui, de renforcer un héritage très fortement orienté contre les musulmans, et je soulignerai juste, contre Montesquieu, que sa bibliothèque renferme des ouvrages, comme par exemple l'Histoire critique de la créance et des coutumes des nations du Levant, de Richard Simon, qui date de 1684, qui démontre le caractère allégorique en fait, de toutes ces descriptions, et que Montesquieu volontairement choisit de négliger complètement. Alors c'est certainement au moment où les lettres persanes sont prêtes à être imprimées que paraît la traduction française d'un nouvel ouvrage qui constitue une avancée supplémentaire dans la connaissance « objective » entre guillemets de la religion musulmane. Donc ce nouvel ouvrage, c'est une traduction qui s'intitule « De la religion des Mahométans » exposée par leur propre docteur, avec des éclaircissements sur les opinions qu'on leur a faussement attribuées, traduite par le pasteur protestant David Durand, et qui donne à lire un ouvrage écrit en latin, le De Religione Mahomedica, de l'orientaliste hollandais Adrian Rieland, qui est paru en 1705 et qui a connu une édition augmentée en 1717. Alors cet ouvrage hollandais était motivé par un contexte polémique, a priori étranger à l'islam, puisqu'en fait les catholiques rapprochaient souvent les protestants des musulmans. Et donc le but de Rieland est de fournir une nouvelle connaissance de l'islam pour montrer combien les accusations des catholiques sont fausses et qu'il n'y a rien de commun entre protestants et musulmans. Mais cette condamnation donc, générale de l'islam qui guide les propos de Rieland n'empêche pas en fait, que l'ouvrage qu'il publie est un ouvrage plus neutre que les traductions précédentes. En tout cas, dans une très longue préface, Rieland prétend corriger les faussetés véhiculées sur l'islam. Alors, je ne détaille pas le contenu de cet ouvrage. C'est un ouvrage savant. Rieland va notamment s'appuyer sur la parfaite connaissance qu'il a de l'arabe pour corriger des contresens lexicaux, en particulier, que l'on trouve dans les autres traductions, et veut ainsi rectifier l'image pleine de préjugés que l'Occident se fait de l'islam. Alors cet ouvrage va être traduit dans plusieurs langues européennes, c'est un succès, ce qu'atteste aussi la diffusion de la traduction française, puisque Montesquieu et Saint-Simon la possèdent tous les deux. Et cette traduction française, j'en dirai juste un mot, elle constitue en quelque sorte une nouvelle avancée, une étape supplémentaire dans la connaissance de l'islam, puisque le traducteur se permet un certain nombre de libertés. D'abord, il ajoute sa propre préface, qui va à nouveau reprendre les intentions de Rieland et les reprendre à son compte. Il va corriger beaucoup de notes de Rieland, les compléter, et il va donner en plus, le traducteur Durand va donner en plus la traduction d'un manuscrit arabe conservé à Amsterdam qui présente les principes de la religion musulmane sur le jugement dernier, texte sur lequel s'appuyait beaucoup Rieland, mais qu'il n'avait pas traduit. Donc ce travail du traducteur est tout sauf neutre. Il revient dans sa préface longuement sur les sources dont l'Occident dispose et par lesquelles l'islam était connu, en particulier les récits de voyage, pour montrer comment il véhicule une fausse connaissance relative à l'islam et à l'Orient. Et donc le traducteur parachève en quelque sorte l'entreprise de démythification à laquelle Rieland s'était attelé. Et je noterai par ailleurs que Durand a supprimé les très nombreuses citations de termes et de versets en arabe. Et ainsi, en fait, il contribue à une certaine vulgarisation de cet ouvrage, qui est ainsi débarrassé de tout l'appareillage savant de justification qu'il avait chez Rieland. Donc ces justifications philologiques se trouvent ainsi supprimées. Donc pour conclure, on peut remarquer que donc, l'Orient suscite depuis longtemps la fascination, hein, et qu'il est d'abord l'objet d'une certaine mythification qui concerne tout aussi bien les mœurs, la politique, que l'imaginaire du despotisme oriental, hein, qui se construit bien évidemment. L'Orient figure un ennemi, un repoussoir absolu contre lequel la religion chrétienne doit triompher. Et si Montesquieu l'utilise donc à des fins critiques, bien évidemment, de multiples manières, il me semble néanmoins que l'œuvre est de son temps par les matériaux qu'elle utilise. Faute peut-être d'avoir les éléments nécessaires à ce renversement du regard, mais peut-être aussi tout simplement parce que ça n'était pas le sujet de Montesquieu et qu'il n'a pas besoin, comme plus tard un Voltaire, de rêver à un ailleurs meilleur, Montesquieu n'est pas de ceux qui participent au renouvellement du regard, en tout cas pour ce qui concerne la religion. Instrumentalisé donc selon les besoins de la critique, tantôt présenté comme tolérant, tantôt comme un ramassis de superstitions absurdes, l'islam de Montesquieu ne cherche pas du tout à se défaire des préjugés. Et l'esprit des lois, 30 ans après, n'ira pas beaucoup plus loin. Il me semble que Montesquieu avait peut-être d'autres chevaux de bataille que l'islam et que cet Orient. Je vous remercie.